L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Deux objets d'un nouveau type viennent d'être découverts par une équipe internationale d'astronomes. Ces objets produisent des intenses éruptions en rayon X qui augmentent de près d'un facteur 100 en seulement une minute, puis retournent à leur niveau initial après une heure. Ces sources X ultra-lumineuses inconnues ont été observées avec Chandra et XMM Newton et leur découverte fait l'objet d'une publication dans la revue Nature cette semaine. Ces sources X, encore mal comprises, produisent environ 1000 fois plus de rayons X qu'un système binaire typique où une étoile est en orbite d'un objet compact, étoile à neutrons ou trou noir. Jimmy Irwin de l'université de l'Alabama, qui a conduit cette étude, le dit « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Nous avions déjà vu de nombreux objets sujets à des éruptions, mais ceci pourrait être des exemples d'un tout nouveau phénomène. » Ces sources de rayons X éruptives ressemblent à peu près à ce que peuvent produire des magnétars, des étoiles à neutrons ayant un champ magnétique démesuré, mais montrent des différences importantes. D'abord, les magnétars ne prennent que quelques secondes pour que l'intensité de leur bouffée de rayons X décline. Et puis, ces nouvelles sources X éruptives se situent dans un amas globulaire et dans une galaxie naine compacte, peuplée d'étoiles âgées, alors que les magnétars sont des objets généralement « jeunes », entre guillemets. Enfin, ces nouveaux objets sont plus lumineux en rayons X, même dans leur période calme. Lorsqu'elles ne sont pas en période d'éruption, ces sources apparaissent comme des systèmes binaires X à peu près normaux, comme ceux composés d'une étoile et d'un trou noir ou une étoile à neutrons, qui accaparent de la matière à son étoile compagne. Cette observation indique que le phénomène de l'intense éruption ne modifie en rien le couple. Les deux sources ultralumineuses ont pour point commun d'avoir été trouvées à proximité immédiate de galaxies elliptiques. NGC 4636, qui est situé à 47 millions d'années-lumière, et NGC 5128, que l'on connaît aussi sous le nom de Centaurus A, à 14 millions d'années-lumière. Sur la première, une seule éruption X a été observée par Chandra, alors que sur la seconde, c'est 5 éruptions qui ont pu être mesurées, 4 par Chandra et 1 par XMM Newton. L'équipe d'astrophysiciens a scruté les archives du télescope Chandra à la recherche de sources X variables dans 70 galaxies proches, suite à l'observation en 2005 d'une source X atypique très intense près de la galaxie NGC 4697. Ils ont découvert quelques sources variables, mais aucune équivalente à ces deux extrêmes spécimens, extrêmement intenses en même temps que très rapides. Jimmy Irwin précise « Il n'y a que très peu d'objets dans l'univers qui sont capables de produire ce type d'événement très énergétique et très rapide, comme une supernova ou une bouffée de rayons gamma. S'il s'agit d'une étoile à neutrons, cela signifie qu'elle fait quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. » Si c'est un trou noir, ces fortes luminosités X sont certes plus possibles, mais nous ne comprenons alors pas le processus qui produit une si rapide éruption. Jimmy Irwin et son équipe ont bien évidemment cherché des explications à ces observations. Une idée avancée est que les éruptions représenteraient des épisodes au cours desquels de la matière serait arrachée de l'étoile compagne et tomberait rapidement dans le trou noir ou sur l'étoile à neutrons, par exemple si la compagne, ayant une orbite très excentrique, s'approche périodiquement très près du compagnon compact. Une autre hypothèse serait que nous ne serions pas en présence d'un objet compact de masse stellaire, mais plutôt d'un trou noir dit de masse intermédiaire, typiquement 800 masses solaires pour l'une des deux sources identifiées, celle située dans NGC 4636, et 80 masses solaires dans le cas de l'autre, dans NGC 5128. Ce qui paraît sûr, en tout cas, c'est que quelque chose semble détraquer le processus d'accrétion de matière tel qu'on pense le connaître, pour produire les éruptions hors normes qui sont observées. L'article de Jimmy Irwin et ses collaborateurs a pour titre « Ultra Luminous X-ray Bursts in two ultra compact companions to nearby elliptical galaxies » et il est paru dans Nature, le volume 538, daté de demain, le 20 octobre 2016. Et je mets le lien, comme toujours, en bas du billet, dans le blog « Ça se passe là-haut ». Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des sources X ultra lumineuses, bizarres, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, bien évidemment sur iTunes aussi et sur Stitcher. D'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel, oui, et les pieds sur terre, bien sûr, toujours. Allez, à très bientôt, salut !